Hier, tu as effeuillé tout lien, déjà fragile comme une arête de cristal. Et m'a abandonné au désert que jadis tu parcourus. Pour toi j'aurais tissé des matins veillantes et nuits funestes. J'aurais bâti des exploits sans hache ni geste de dédain. Ce désamour fait partie de moi, la piqûre d'une épée qui guérit et cicatrise au bol d'un bonheur que tu oublies. Pourtant, je sais que ne t'irrite mon amour, que tu as songé à changer. Tu apprends que t'irrite mon amour, que tu as songé à changer. Tu apprendrais tant de la quiétude du gang. Pourtant je sais que ne t'irrite mon amour, que tu as songé à changer. Tu as songé à changer, tu apprendrais tant de l'inquiétude du gang. Tu apprendrais tant de l'inquiétude.